écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, c'est na na na na na na na na wesh. Écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, c'est na na na na na na na na wesh. C'est en dessous de la ceinture, ne te fais pas de soucis pour moi, j'assure. Puis quand c'est en dessous de la ceinture, ne te fais pas de soucis pour moi. On va pas se mentir, je sais bien que je ne suis pas beau. Je suis plus près de Shrek que Cristiano Ronaldo. J'ai deux yeux bleus mais ce ne sont pas ceux de Leonardo. Mais pour moi ça n'a jamais été un fardeau. Je me laissais pas abattre si je misais sur l'humour. Je n'ai jamais fait croire que j'en cherchais l'amour. Je n'ai jamais été trop à l'aise quand j'aimais faire la cour. Et quand les filles me draguaient je préférais faire le tour. Je suis loin d'être parfait, je vous le dis parce que je le sais. Le matin faut pas venir me parler si je n'ai pas eu ma clope et mon café. Quand c'est en dessous de la ceinture, ne te fais pas de soucis pour moi, j'assure. Puis quand c'est en dessous de la ceinture, ne te fais pas de soucis pour moi. En ce qui concerne la drague, je n'ai pas le feeling, je n'aime pas faire de vagues, je serais plutôt timide, plutôt introverti, je ne trouve pas les mots pour que ce fille soit celle qu'il me faut. Quand c'est en dessous de la ceinture, ne te fais pas de soucis pour moi, j'assure. Puis quand c'est en dessous de la ceinture, ne te fais pas de soucis pour moi. Quand c'est en dessous de la ceinture, ne te fais pas de soucis pour moi, j'assure. Puis quand c'est en dessous de la ceinture, ne te fais pas de soucis pour moi. Des balades, j'ai de hitch, ni la gueule de Brad Pitt. J'aime pas trop me taper l'affiche, au bout du mois j'évite. J'suis pas du genre à briller pour me faire remarquer. J'suis plutôt un mec discret.